de jamais à toujours. Je t'aime assez, pas vrai, et qu'un court instant, l'éternité. D'un ciel calme à une pluie d'orage, et du désert jusqu'à la plage, de mon cœur jusqu'au tien, rien qu'une seconde, presque rien. M'aimeras-tu encore quand ça sera le jeu de nos corps à corps? Seras-tu près de moi au milieu du chaos quand le temps s'assassin? Corps ne font qu'une, et de vouloir moi non plus, rien qu'un instant, un instant de plus. De la nuit noire à la lumière, oh, pas plus loin qu'un jet de pierre, et de mes mains jusqu'à ton corps. Un instant encore.